Cinquième partie, chapitre 4 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Cinquième partie, chapitre 4. Examen de l'état de l'âme à l'égard de Dieu. Petit 1, quel est votre cœur touchant le péché mortel? Avez-vous une forte résolution de n'en commettre jamais aucun pour quelque chose qui puisse arriver? Et cette résolution a-t-elle subsisté jusqu'à présent? En elle consiste le fondement de la vie spirituelle. Petit 2, quel est votre cœur sur les commandements de Dieu? Les trouvez-vous bons, doux, agréables? Ah, Philothée, qui a le goût bon et l'estomac sain, aime les bonnes viandes et rejette les mauvaises. Petit 3, quel est votre cœur à l'égard des péchés véniels? On ne peut s'observer si bien que l'on en commette quelqu'un, mais n'y en a-t-il point auquel vous ayez une spéciale inclination? Et ce qui serait bien pis, auquel vous ayez de l'affection? Petit 4, quel est votre cœur pour les exercices spirituels? Les aimez-vous? Les estimez-vous? Ne vous déplaisent-ils point? N'en avez-vous point de dégoût? Auquel sentez-vous plus ou moins d'affection? Entendre la parole de Dieu? La lire? En parler? La méditer? S'en servir dans les aspirations? Se confesser? Prendre des avis spirituels? Se préparer à la communion? Communier? Modérer ses inclinations? Qu'y a-t-il en cela qui répugne à votre cœur? Et si vous trouvez quelque chose à quoi il est moins d'attrait, examinez d'où vient ce dégoût. Petit 5, quel est votre cœur pour Dieu même? Votre cœur se plaît-il à se ressouvenir de Dieu? Y trouve-t-il de la douceur? Ah, dit David, je me suis souvenu de Dieu et j'y ai pris plaisir. Sentez-vous en votre cœur une certaine facilité à l'aimer et un goût particulier à savourer cet amour? Votre cœur a-t-il de la joie de penser à l'immensité de Dieu, à sa bonté, à sa douceur? Si le souvenir de Dieu se présente à votre cœur parmi les occupations et les vanités du monde, y trouve-t-il place? Votre âme en demeure-t-elle saisie? Se tourne-t-elle de ce côté-là et va-t-elle au-devant, pour ainsi parler? Certainement, il y a des âmes de ce caractère. N'est-il pas vrai qu'une femme, dès qu'elle s'aperçoit du retour de son mari après une longue absence, ou qu'elle croit entendre sa voix, part à l'instant même pour aller à lui tout occupée qu'elle ait des affaires les plus importantes, que rien ne retient plus son cœur et qu'elle abandonne toutes les autres pensées pour ne penser qu'à lui? Il en est de même des âmes qui aiment bien Dieu. Quelques occupées qu'elles soient d'ailleurs, aussitôt que le souvenir de Dieu se présente, elles perdent presque toute l'attention aux autres choses pour le plaisir qu'elles prennent en ce cher souvenir, et c'est un très bon signe. Petit 6, quel est votre cœur pour Jésus-Christ, Dieu et homme? Prenez-vous plaisir d'être avec lui? Les abeilles se plaisent autour de leur miel et les guêpes sur les puanteurs. Ainsi, les bonnes âmes se plaisent d'être avec Jésus-Christ et ont une grande tendresse d'amour pour lui, mais les âmes déréglées se plaisent aux vanités du monde. Petit 7, quel est votre cœur pour Notre-Dame, pour les saints et pour votre bon ange? Les aimez-vous fort? Avez-vous une spéciale confiance en leur protection? Leurs images, leur vie, leurs louanges vous plaisent-elles? Petit 8, pour ce qui est de votre langue, comment parlez-vous de Dieu? Vous plaisez-vous à en parler selon votre état et votre capacité? Aimez-vous à chanter les cantiques spirituels de son amour? Petit 9, quant aux œuvres, pensez si vous avez du zèle pour la gloire extérieure de Dieu et de l'affection à faire quelque chose pour son honneur, car ceux qui aiment Dieu aiment avec Dieu l'ornement de sa maison. Pouvez-vous dire que vous ayez renoncé à quelque affection ou à quelque chose pour Dieu, parce que c'est un signe bien sûr d'amour, que de se priver de ce que l'on aime pour celui qu'on aime? Qu'avez-vous donc jusqu'ici quitté pour l'amour de Dieu? Fin du chapitre 4, cinquième partie.